Alors ce soir, on va essayer quelque chose d'un petit peu changeant. Je vais essayer de répondre à toutes les questions. Et les questions sur lesquelles je passerai trop rapidement, si on a du temps à la fin, on va revenir dessus. Au lieu de trop répondre de façon élaborée aux questions pendant la partie de questions, et finalement, on a toujours 10-15 questions qui ne sont pas répondues. Et je considère que lorsqu'une personne pose une question, c'est intéressant qu'on puisse y répondre. Alors, l'acupuncture, est-ce que c'est dangereux? J'espère qu'il n'y a pas trop d'acupuncture dans la salle. L'acupuncture, ce n'est pas dangereux en ce sens que si on pique tout croche au travers, on ne peut pas engendrer de maladie. Un acupuncteur qui met plus de 6 aiguilles ne sait pas quel point piquer. Il en met beaucoup de façon à essayer de tomber sur les bons, dans bien des cas. Sauf évidemment s'il traite plus qu'une pathologie à la fois. Piquer un point d'acupuncture trop profondément détruit la partie biologique qui rentre en correspondance avec le méridien vital. Donc, ce point est détruit à jamais. Piquer régulièrement les mêmes points peut aussi engendrer une irritation et une destruction de ces points, d'où d'autres problématiques. L'acupuncture faite par rayon laser est la plus avancée sur la planète présentement. Il n'y a aucun problème de transmission de virus, de sida ou de quoi que ce soit, étant donné qu'on ne perce pas la peau avec une aiguille de métal. D'autres personnes travaillent dans un système de poncturation à partir de l'aura, l'aura vitale, ça va de soi. Alors, l'acupuncture, ce n'est pas dangereux. C'est beaucoup moins dangereux que les champs électromagnétiques. C'est beaucoup moins dangereux que bien d'autres choses. Mais nécessairement, si les points ne sont pas piqués de la bonne façon, dans le bon rythme, ça ne donne pas les résultats qu'on pourrait obtenir. Il y a autre chose. Pour qu'une acupuncture puisse extrêmement bien fonctionner, il faut qu'elle soit donnée aux patients aux bonnes heures. Cela veut dire qu'un acupuncteur qui est réellement convenable va vous dire, eh bien, vous allez avoir un traitement de 2 aiguilles à 10 heures tous les jours de la semaine. Vous allez revenir à 3 heures du matin parce qu'il faut que j'en pique une sur le pied pendant 10 minutes. Après ça, il va repasser à 4 heures l'après-midi parce que, voilà. Il y a des aiguilles, il y a des méridiens, il y a des points d'acupuncture qui servent à tonifier. Normalement, on s'en sert après la période de plénitude du méridien. Cette période de plénitude peut être à minuit, elle peut être à midi. Alors, si on veut tonifier puis qu'on pique à n'importe quelle heure, nécessairement, le résultat ne sera pas le même. Ce n'est toujours pas dangereux de se faire mal piquer. À pic. C'est tout. Alors, on peut arriver à avoir une acupuncture très bien orchestrée, bien faite et fonctionnelle. Alors, Daniel fait un sommaire des moyens que l'on peut prendre pour programmer l'ego à vouloir ce que le mental veut. Programmer l'ego, c'est relativement simple. Sauf que pour programmer l'ego, il faut que l'ego soit programmé à laisser le mental programmer l'ego. C'est là le problème. Faire une chose, c'est facile. Arriver à pouvoir la faire, c'est autre chose. Comment on programme son ego? En intelligençant les choses. C'est simple. Tout ce que vous voyez de stupide, dites que c'est stupide. Tout ce que vous faites, que vous ne voulez pas faire, trouvez ça stupide. Ne vous trouvez pas stupide. Ce n'est pas nécessaire de se culpabiliser. Lorsque vous voyez qu'une chose est stupide, nécessairement, c'est la preuve que vous ne l'êtes pas. Parce que vous voyez que c'est stupide. Et lorsque l'humain, continuellement, s'instruit de la stupidité d'une chose ou de l'intelligence d'une autre chose, à la longue, ça prend un certain laps de temps qui peut s'échelonner de quelques mois à quelques années, dépendant de la puissance de répétition, dépendant de bien des choses. Lorsque nous parlons de paroles justes, il est évident qu'un individu ne peut pas arriver à programmer son ego, donc à s'éduquer ou à se rééduquer, se réinstruire. S'il a une parole fausse, si consuellement sa parole parle contre lui, il est bien évident qu'un individu doit avoir une parole juste. Je donne un exemple. Dernièrement, il y a des personnes qui ont été voir un motivologue. Et en sortant, je leur demande, puis, et la personne me répond, je pense que ça m'a fait du bien. Donc, elle n'est même pas sûre. Elle sort d'une place qu'on la motive, puis en sortant de là, elle commence déjà à se démolir. À son insu, sa parole est fausse. Elle sait que ça lui a fait du bien et elle dit, je pense que ça m'a fait du bien. Ailleurs, dans la parole fausse, il y a immensément de pièges et l'instruction de l'ego, évidemment, doit se faire oralement. C'est-à-dire, vous ne devez plus jamais répondre autrement qu'en parlant. Lorsqu'on pose la question à un groupe, le groupe, moi, l'autre, les personnes qui disent rien, on s'instruit à l'exclusive condition que les oreilles de l'ego puissent vibrer. Les oreilles de l'ego, c'est ça ici. Les enfants appellent ça, des oreilles Lego. Puis l'abdule, les oreilles de Lego. On écoute par là. Quand quelqu'un pense, va chier. Ça vous dérange pas, hein? Quand quelqu'un le dit, les oreilles de Lego, le cap. Le Lego, il se met à tourner. Probablement, il n'a pas envie. Peut-être. Mais il a été programmé que c'était une insulte. Que quand quelqu'un te disait ça, fallait que tu te sentes mal. Fallait que tu transpires. Fallait que tu te mettes en colère. Fallait que tu lui retournes l'insulte. Fallait que tu le boxes. L'humain est programmé à ça. Il entend ces deux, trois mots-là, puis tout de suite, il part. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Pour s'instruire, c'est la même chose. Parler. Je ne veux pas manger ce morceau de tarte. Maudit colère, bon. L'humain doit s'arranger pour ne pas parler contre lui. Et qui a l'air bon, vient de détruire, je veux pas le manger. Parole fausse. Alors l'humain doit le dire. Je vais le bouffer pareil. Sauf qu'il pense, faut pas qu'il dise. C'est con, sauf qu'il dise. Faut pas qu'il pense. Bref, il travaille à intelligencer les choses. Puis quand il mange pareil, après ça, il pense et que c'est bon. Puis il dit, maudit que c'est con. Stop. Faut pas qu'il se sente coupable, faut pas qu'il se sente mal. Il sait que c'est con, puis il vient de le faire, puis il pense que c'est bon. Sinon, il l'aurait pas fait. Donne-lui une tarte en caoutchouc, il ne mangera pas. Alors, ça ne sert à rien qu'il lutte contre lui. L'évolution, c'est simple et facile, mais l'humain le complique. Il rend ça complexe. Alors, à la longue, l'ego devient suffisamment programmé. On va y revenir, de toute façon, si on a le temps. Serait-il possible que tu fasses un jour une conférence sur l'Apocalypse selon Saint Jean, déchiffrer toute la symbolique qui y est rattachée et dire ce pourquoi ce livre fut écrit? Parole fausse. Serait-il possible que tu fasses un jour une conférence sur... La réponse est oui. Ça devrait le satisfaire. Parce que la parole, la question est mal posée. La question, elle attend une réponse oui ou non. On va revenir. Pourquoi sommes-nous complexés? Est-ce parce qu'on compare trop? Le complexe est le refus de l'homme de s'assumer. Il provient de la mécanicité de comparaison. On ne se sent pas handicapé avec nos deux bras, parce que l'humanité a deux bras. Si un jour, vous seriez catapulté sur une planète où l'humanité a quatre bras, dans le début, vous trouveriez ça comique, pauvre handicapé, mais si vous êtes pogné là, restez le reste de votre vie, vous allez vous rendre compte rapidement que vous êtes l'handicapé. Et vous serez complexé. Manquera le bras, ou deux bras. Certains appellent ça le complexe d'Œdipe. L'humain est complexé par comparaison parce qu'il ne comprend pas. Lorsque l'on comprend, on ne peut pas être complexé. Quand il neige, il neige. Si un gars est plus fort que moi et qu'il me donne un coup en plein visage, je me ramasse à terre, c'est comme ça. Si après ça, il m'ordonne de lui lécher les souliers, si c'est écologique, moi, lui lécher. Si je ne l'ai pas, je ne le lécherai pas. Chose certaine, c'est que ce gars-là n'aura jamais mon contrôle. Parce que là, il me tape dessus et il est plus fort que moi, c'est évident que je ne résisterai pas. Mourir au nom de l'absurdité, ce n'est pas plaisant. Vous croyez en Dieu, vous croyez en Dieu, quelqu'un vous accroche dans la rue avec un revolver, il vous le colle sur l'oreille et il vous dit, « Maudit ton Dieu. » Ben, c'est brillant, tu dis, « Dieu, c'est un maudit niaiseux. » Le gars dit, « OK, va-t'en. » Tout frustré, tout déçu, là. Peut-être que tu t'entends prier après. Mais les humains tellement caves qu'ils ne pourront pas préférer mourir au nom des mots. Beaucoup plus difficile de vivre pour une idée que de mourir pour elle. Alors, pourquoi sommes-nous complexés? Cela fait partie du manque de support de l'humain. Il ne peut pas se supporter, il ne comprend pas les conditions. Dieu va m'en vouloir, je l'ai maudit quand un gars m'a mis un revolver à sa tempe. Dieu, hein, qui a envoyé le gars mettre un revolver à sa tempe à quelqu'un d'autre. Puis je ne l'aurais pas maudit. Ce n'est pas ce que je pensais, j'étais obligé, j'étais manipulé, j'étais dans un trou. Bon, j'aime autant vivre pour Dieu que de mourir pour lui. Il faut que l'humain comprenne sa condition. Alors, l'être humain est complexé parce que l'humain, on va revenir cosmiquement sur ce phénomène-là, ça m'intéresse d'en parler, mais on va finir la conférence avec ça. L'humain est complexé parce que toute la mécanicité qu'il a implantée sur le plan planétaire, dans le but de créer une condition expérientielle événementielle qui lui permettrait à de l'énergie et de l'intelligence de devenir de la matière pour ensuite permettre à la matière de supporter de la lumière, c'est le rôle de l'homme. Le complexe est une obligation, une matrice implantée dans la conscience de l'homme pour que tant que l'homme n'ait pas un corps suffisamment dense pour l'empêcher de quitter la planète Terre, par la mort ou par n'importe quel autre phénomène, pour que l'humain reste sur le plan planétaire alors qu'il est trop refroidi, trop densifié, trop involué, et c'est essentiel parce qu'il devient de la matière. Pour comprendre son rôle sur le plan planétaire, le complexe vient l'empêcher totalement de laisser exprimer le trop peu d'intelligence qu'il a, de façon à ce que l'énergie d'intelligence ne serve pas à rendre le monde intelligent, mais serve à rendre le monde involutif, c'est-à-dire matériel. Et lorsque le monde est suffisamment matériel, suffisamment densifié, comme on approche dans les 20 prochaines années, lorsque le monde est suffisamment matériel, là, l'homme doit commencer à éclater, à s'exprimer, et les complexes, la ceinture de chasteté de l'évolution, doit nécessairement partir. L'humain est complexé pour la simple raison que l'homme ne doit pas laisser l'intelligence s'exprimer sur la planète Terre tant que la matière n'est pas suffisamment solide et structurée au niveau subatomique et atomique pour conserver l'intelligence, pour se rappeler de l'intelligence. Autrement dit, si Abraham, si Bouddha et si d'autres auraient eu la possibilité d'exprimer un 10 000 000ième de l'intelligence qui les habite, qui ne faisait qu'approximativement 5% de leur conscience, le monde aurait été changé. À un point tel que la matière n'aurait pas été capable de supporter l'intelligence et elle serait redevenue lumière. Et ce n'est pas le rôle de l'homme que d'empêcher la matière de supporter la lumière. Donc, le complexe, ça sert à ça. On va y revenir au niveau cosmique. Comment se libérer de la jalousie dans un couple? Si c'est l'homme qui est jaloux, il faudrait qu'il présente un homme à sa femme. Et vice-versa. Qu'est-ce que c'est que la jalousie? La jalousie, c'est un degré de possession sécurisatif suffisamment exprimé, élaboré, puissant, avancé, développé, énergisé dans la conscience égoïque d'un humain. Et celui-ci tient à bénéficier à 100% de toutes les énergies émises par la chose ou la personne envers laquelle il sera pour porter sa jalousie. Cela veut dire que si moi j'aime ma femme et que je suis jaloux d'elle, et quand je vois ma femme, je peux me baigner dans l'onde de forme. Elle me rassure, elle fait partie de mon monde, de ma famille, de moi-même. Et nécessairement, il y a toujours le facteur risque que si un homme court après ma femme, que ma femme trouve l'homme meilleur que moi. Alors, on est dans un système de compétition. Et dans un système de compétition, où on devient meilleur que l'autre, où on tape sur l'autre. D'une manière ou d'une autre, ce sera la jalousie. Cela fait partie de l'amour psychologique de l'homme planétaire, de l'homme ancien, de la femme ancienne et de certaines personnes transitives. Qu'est-ce que c'est? Cela veut simplement faire partie de l'amour conditionnel, de l'amour possessif. L'humain est jaloux parce qu'il a besoin de l'autre et il ne tient absolument pas que l'autre s'en aille. Alors, lorsqu'une personne s'approche de la personne qu'il aime, il verra immédiatement une compétition et il essaiera de par tous les moyens de détruire la compétition. L'homme, l'amour psychologique ne permet pas à une chose d'être libre. Et c'est ce qui engendre la jalousie. Autrement dit, lorsque l'homme voit sa femme, la femme vient amener des choses chez lui. Mais si sa femme devient transsexuée, devient un homme, il ne pourra plus l'aimer. Parce que ce qu'il aime, ce n'est pas la femme telle qu'elle est. Ce qu'il aime, c'est ce que la femme lui rapporte. Et si cette femme-là partage ce qu'elle lui rapporte avec un autre, il perd. Et perdant, il se sent insécure, et cette insécurité transparaît dans l'amour psychologique sous forme de jalousie. Et si la jalousie n'est pas suffisamment, disons, restreinte, si elle n'est pas suffisamment paramétrée, elle peut se transformer maintenant en haine. L'amour psychologique de l'homme, la haine psychologique de l'homme, c'est la même chose, c'est deux formes d'expression. La jalousie, c'est le refus obstiné de laisser les choses que l'on aime libres. Alors, ma femme, elle ne sera pas libre. Elle ne pourra pas parler avec le voisin, elle ne pourra pas sortir voir un film avec quelqu'un d'autre, un mâle, parce que je vivrai tout croche. Je l'aime. L'amour psychologique de l'homme ancien oblige celui qui aime à souffrir. La jalousie en fait partie. Une autre forme de manipulation totale dans la conscience de l'homme, mais qui est autre chose que le complexe. C'est bien évident que si on brasse, on élimine certains complexes, on se rapproche de l'amour intelligent de l'homme nouveau. Un amour qui permet le respect. J'aime mon fils, mais à la condition qu'il ne se mette pas les cheveux en bleu. J'aime ma femme, j'aime mon mari, mais ce qu'elle a fait l'autre fois, il ne faut plus que ça se reproduise. T'es pas jaloux, tu m'aimes pas. T'es ennuyé. Tout le phénomène de l'amour souffrant. Alors, la jalousie fait partie de ce piège de l'amour psychologique qui occupe l'homme. Une chose qui est sûre. Ce que tu aimes, laisse-le libre. Il va se promener. Il va voyager. S'il te revient, il est à toi. S'il ne te revient pas, il ne t'a jamais appartenu. Celui qui est jaloux décide de ne pas laisser les choses libres, de ne pas laisser ce qu'il aime libre, mais de l'attacher avec une corde. Et cette corde, elle sera faite à partir de sa propre énergie. Chaque fois qu'il sentira l'autre tirer sur sa corde, il souffrira de jalousie. L'humain s'arrange toujours pour être pogné. Celui qui est jaloux va lentement finir par transcender sa jalousie s'il accepte de travailler sur le respect de l'autre, l'amour intelligent. Pour répondre plus humblement, la personne peut se référer à une conférence que j'ai faite ou à deux, les mécanismes de l'amour intelligent, les miracles de l'amour intelligent, ces choses-là. Ça réglerait une grosse partie du problème. Ça ne se règle pas comme ça parce que l'humain est programmé. Ce que l'humain doit comprendre, dans toute forme d'évolution, il y a une chose qui doit être nécessaire, transformer la génétique, donc cellulariser l'évolution. Ça revient à la même chose, transformer la programmation. Il y a la ROM, la mémoire morte, celle qui vous est léguée par la génétique, la construction neuronique génétique de votre cerveau, votre système endocrinien qui va vous permettre d'être assujetti plus ou moins aux conditions manipulatrices du monde astral, du monde de la mort, des autres. Mais il y a aussi une transformation de la programmation vive, la mémoire vive, votre instruction, l'éducation, tout ce que nous avons appris depuis que nous avons ce corps physique. Et ça, c'est une programmation. On donne une claque dans le visage à quelqu'un, c'est programmé, on peut prévoir ce qu'il va faire. Cela provient de son éducation. On peut programmer un humain à être raciste. On peut programmer un humain à accepter les extraterrestres comme étant naturel. On peut programmer un humain à avoir peur de la moindre petite parcelle de mouvement ou de vie sur la planète. Alors l'évolution, c'est de changer notre programmation. Ça ne se fait pas comme ça. La jalousie est une programmation, la peur est une programmation, toutes ces conditions sont des programmations qui proviennent d'une gestion d'éducation informatrice, disons de désinformation éducationnelle, pour obliger l'humain à ne pas trop se rappeler rapidement ce qu'il est. À l'époque où on est actuellement, il y a de plus en plus de cerveaux qui sont capables de comprendre ce qu'ils sont. Ça engendre des souffrances, ça peut amener la culpabilité, il ne faut pas. Ce sont des mécanismes d'évolution qui servent à récupérer celui qui veut s'en sortir. Et quand on se fait récupérer, bien, trouvons ça comique. Lentement, on ne sera plus récupéré. On ne pourra plus être récupérable, on sera trop fou. Et quand on devient fou, on devient proche du sage, du Dieu. L'industrie livresse ésotérique n'est-elle pas une industrie qui nourrit tous les complexes d'infériorité? J'aime beaucoup le nouveau fonctionnement des conférences, c'est-à-dire en solo. Bon. Excuse-moi. C'est bon de nourrir les complexes d'infériorité parce que ça oblige l'homme à devoir s'en sortir seul. Quand l'humain se plaint de tout le marasme évolutif qu'il y a ici, c'est parce qu'il ne comprend pas. Il est bien évident que lorsque je comprends l'intelligence d'une solution, je trouve con qu'elle ne soit pas applicable. Mais il y a une chose, c'est que les problèmes, ils sont là. Et lorsque le problème, il est là, eh bien, on parle de complexes, on parle de désinformation, on parle de plusieurs choses dans le genre. Lorsque l'humain vit là-dedans, lorsque l'humain a à s'en sortir, eh bien, c'est ce feu c'est ce marteau qui le tapait dessus, qui l'empêchait d'avancer, qui fait que finalement, il s'en sort seul. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous prenons un être humain, je me promène quelque part dans le monde et je rencontre un humain qui a un grand sourire, qui est bien béatifié, il transpire la rose ou la pomme, tout le monde vient jeter des fleurs sur son petit nombril, c'est le bonheur. Il a atteint ce que vous voudrez. Alors, je passe à côté. Et je lui pète en plein visage. Et là, je me retourne voir la béatification, ce qu'elle peut supporter. S'il est suffisamment béatifié, il va attendre que ses disciples moins béatifiés puissent se permettre le luxe de me tasser de là. Parce que les dieux, apparemment, pour conserver leur paix, ou les maîtres, ont toujours besoin de bodyguards, hein, de gardes du corps. Moi, je suis en paix, on veut me mettre en plein visage, mon garde du corps vient de l'empêcher, je reste en paix. Et toutes ces personnes ont besoin d'être plus évoluées pour faire la ville job qu'eux ne veulent plus faire pour paraître plus évoluées. Je rencontre ce bonhomme, cette personne extrêmement pacifique, et puis je l'invite dans un bordel. Oui, pour voir ce que l'évolution peut faire. Si le petit peuple peut faire ça, les plus évolués peuvent au moins faire ce que le petit peuple fait. Le petit peuple peut-être pas faire ce qu'en haut on fait, mais quand on se dit en haut, on peut faire ce qui se fait en bas. Donc on peut faire difficile, on peut faire facile. Et je peux donc découvrir qu'il y a énormément de choses qui ne sont pas réelles. C'est-à-dire que cet être humain-là, la majorité des humains, on parle de paix, il peut être dans une paix totale à la condition qu'on ne le sorte pas de là. Je rencontre un moine et qui ont l'air bien. Ôte le monastère, puis mets-le aux poubelles. Puis regarde les moines. Et qui ont l'air malheureux. Alors, les problèmes, tout cela existe, et c'est un phénomène relativement intéressant, que ce soit brillant ou pas brillant, soyez là, servons-nous-en. Intelligence bêtises. On peut les rendre intelligents. Intelligents sont laids. Voilà, j'ai réussi. Oui. Quand t'as des gars, essaye. Il n'y a pas de complexe. Ça marche. Alors donc, les problèmes que nous avons, ils sont là. Disons qu'ils sont là. C'est sécurisant, c'est intéressant, mais en plus, ça fonctionne pour nous permettre de nous en sortir seuls. Je m'en vais, je dis à tout le monde, « Hey, la gang! Il y a un trou, là! Fait que faites attention! Toi, je te mets là, puis dirige les gens! » Et toute la société, toute l'humanité s'en va gaiement dans une évolution où il n'y a plus de problème. La journée, quel pauvre type qui dirige à toute meurt, ou s'écœure, ben, tout le monde tombe dans le trou. Hein, personne ne veut le dire. Alors, on essaye de trouver un autre avatar, un autre maître, un autre guide, un autre gourou qui pourrait être en avant, puis on va essayer de le flatter pour que s'écœure trop vite. Mais chaque être humain devrait être son propre maître. C'est plus simple. C'est plus sûr. Alors, tous les problèmes que nous avons, bien, ils sont là pour cela. Traversons. La religion m'a toujours aplati, elle m'a écœuré, elle m'a culpabilisé. La maudite. Bien, c'est elle qui me permet maintenant d'être capable de dire la maudite. Je commence à m'élever. Je comprends pas, je gueule contre. Je devrais pas gueuler contre. Je devrais la remercier. Mais je me réveille suffisamment pour vouloir m'en sortir. Alors, si la religion n'aurait jamais existé, ben l'humain, il serait pas pogné. Il serait rien. Foutrement rien. Regardez ceci. On va revenir. Bon. Je vais revenir quand même pour trop frustrer les gens. Bon. Et plus vite. L'homme évolue par paliers. L'humain monte d'une façon ascensionnelle, morceau par morceau. Il vit une condition collectivisante, et il attend souvent que la collectivité s'en sorte pour se permettre de s'en sortir. Et cette condition collectivisante, elle n'a qu'une seule fonction, découvrir l'élite. Et un jour, le peuple au complet, la planète sera l'élite. Mais en attendant, cette élite se forme seule. Celui qui, à travers toute la problématique de l'évolution, sort. La première manière de s'en sortir, c'est de décider qu'on va s'en sortir. Quand, on s'en fout. Mais coûte que coûte. Et lentement, l'évolution se fait ascensionnellement, et l'humain arrive à se sortir de ses problèmes s'il refuse. J'ai déjà expliqué que la preuve de l'intelligence chez l'homme était sa faculté de pouvoir dire non. Et la preuve de la stupidité était l'impossibilité qu'il avait de dire oui. Transformer un non en oui, ça plaît. Transformer un oui en non, pas bon. L'homme doit grimper, monter. Toute l'évolution problématique de l'âme de l'homme est une fonction très essentielle, c'est que l'humain est là pendant une grande partie de sa période évolutive pour constituer un corps physique qui supportera de la lumière. À un moment donné, il faut demander à ce bonhomme de passer en rampant. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est intéressant. Bon. Est-ce vrai que le sommeil avant minuit est plus récupérateur? Si oui, est-on aussi assujetti aux autres planètes via le sommeil? Exemple, pleine lune. Ben, effectivement, dans la majorité des cas, la personne qui dort avant minuit se repose mieux. Pourquoi? Pour la simple raison que l'être humain a besoin d'énergie yin-yanique pour se replacer. Qu'est-ce que je veux dire? Alors, il y a l'énergie yin-yin, yin-yan, yan-yan, yan-yin. Lorsque l'on prend une douche chaude, on a de l'eau yin, chaude, yan. C'est de l'énergie yin-yanique. Extraordinaire pour l'homme. Lorsque l'humain s'en va dans des régions froides et humides, il a du yin yinique. Et il aura de l'arthrite, il aura des problèmes. Lorsque l'humain va dans des régions yan yanique, comme en plein désert du Sahara ou dans certaines régions comme ça, il aura un avancement sur sa santé. Tout ce qui est yanique, yan yanique ou yin yanique. Lorsque l'humain se promène quelque part où c'est humide et chaud, on a affaire à un yan yinique et ce n'est pas bon. Alors, lorsque la personne dort, les rayons du soleil, le yan, continuent à se promener sur la région qui a été exposée au soleil et lentement, elle est absorbée et dissoute par l'énergie yin de la nuit qui sort et qui grimpe. Donc, pendant une partie du temps, on a un yin yanique à cause de l'énergie yan et l'être humain a besoin surtout de yanique, yan yanique ou yin yanique. Alors, lorsqu'il se couche avant minuit, il faut bien mettre une heure à un moment donné pour trancher, ça peut être une heure, ça peut être 11 heures, ça peut être 2 heures. Donc, avant minuit, l'humain récupère plus facilement parce que lorsque le corps cesse de se promener, lorsque la conscience amique est en extra-conscientisation, en rêve ou en voyage astral, le corps physique absorbe plus facilement l'énergie yanique qui est autour de lui, alors nécessairement, s'il se couche avant minuit, il en ramasse plus. Chose que chaque personne, pour bien dormir, il y a des moyens faciles, il faut absolument que le lit soit conducteur d'énergie vitale. Cela veut dire qu'il faudrait qu'on n'ait pas de synthétique, mais des choses naturelles. Et il faut absolument que le lit soit relié au sol par un conducteur. Autrement dit, que le lit soit terrestrifié, donc groundé. Et si possible, on essaye de ne pas grounder le lit à partir du système électrique. L'influence de la planète Pluton. Bon, au cours de la nuit, pendant le sommeil, il y a les mêmes manipulations planétaires que pendant l'éveil, sauf que ça paraît moins, donc c'est simplement plus dangereux. Bon. L'influence de la planète Pluton est-elle en résonance particulière durant la présente période? Pluton va avoir une incidence sur l'évolution de l'homme, une incidence qui va être de plus en plus croissante. On ne l'a pas baptisé Pluton pour rien. Elle a une correspondance ésotérique, c'est-à-dire allégorique, avec certaines choses. La réponse est ésotérique, mais Pluton va avoir une correspondance de plus en plus puissante jusque vers la fin des années 2010. La capacité d'être complexée chez une personne dépend-elle de son niveau de conscience? Non. Une personne peut avoir un degré de conscience extraordinaire et être complexée au bout. Ce qui arrive souvent lorsqu'une personne accepte le poste astral d'être acceptée comme maître, gourou, etc. Tant qu'il accepte d'être une grande gueule, ça peut aller. Mais quand il va être plus loin que ça, ça complique les choses. La personne, elle a beaucoup de conscience, mais elle peut être complexée et ne pas être capable de le dire. Plus on a de conscience et plus on a de complexe, plus on vit de cette souffrance mentale qui peut déchirer l'humain. L'homme est son propre prédateur. C'est lui qui se tue, qui se morfond. Mais c'est une partie de lui, une partie que l'on peut appeler l'anti-homme. Et maudire l'anti-homme n'est pas une solution. Devenir son seul maître, malgré l'anti-homme, c'est une solution. Lorsque l'humain est conscient, sa programmation n'a pas nécessairement changé. Il y a énormément d'êtres humains qui savent, qui ne peuvent pas. Il faudra qu'ils peuvent. Est-il possible? Je répète, tout est possible. Est-il possible qu'un complexe chez une personne lui provienne d'une de ses vies antérieures? C'est possible. Qu'est-ce que c'est que la vie antérieure de la personne? C'est sa lignée familiale génétique. Et c'est aussi les mémoires réincarnationnelles, fusionnelles, pluralitaires de toutes les personnalités qui auront passé à travers ces lignées familiales. Donc, c'est possible. La vie de l'homme aurait-elle un sens sans le cycle on-off du jour et de la nuit, sommeil-éveil? La vie de l'homme, elle a le sens que l'homme veut donner à la vie de l'homme. Dans les pays où on a beaucoup de bouffe, le sens de la vie, c'est de manger. Dans les pays où on manque de nourriture, le sens de la vie, c'est l'économie. À l'époque où on n'avait pas les slumbers ouverts l'hiver, le sens de la vie, à l'automne, c'est de ramasser de la nourriture pour passer l'hiver. Pendant longtemps, le sens de la vie était simplement vivre, étirer, se rendre au moins 30 ans. Pendant longtemps, le sens de la vie était, vu qu'on a commencé à pouvoir vivre 40, 45, 50 ans, et que là, on peut découvrir l'ennui, le sens de la vie était d'oublier qu'on vivait. Les orgies, la boisson, c'est un paquet d'inventions, bon. Et le sens de la vie, finalement, lorsqu'on grossit encore, qu'on a même le temps de s'ennuyer, à se distraire, le sens de la vie peut être maintenant l'évolution. La paix est sûre dans le monde. Quand on est tout en paix, il y a du sens de la vie. Quand il y a des probabilités de guerre, il y a un sens à la vie. Empêcher les guerres. Alors, le sens de la vie est le sens que l'homme donne au sens de la vie. Jour, nuit, on, off. Le sommeil, il sert à bien des choses. Pendant la vie de l'éveil, il y a une partie monstrueuse qui s'appelle l'âme, qui s'appelle l'astral, l'astral personnalisé, l'astral identifié, il y a l'ego, qui vient cheminer au niveau du système endocrinien, d'une partie du cortex cérébral et du système hypothalamien-thalamien du cerveau de l'homme. Pendant l'éveil, cette chose vient têter de l'énergie, c'est-à-dire qu'elle suce l'énergie vitale, l'énergie qui permet la consistance subatomique des atomes et qui permet la liaison ionique et covalente des molécules qui créent le corps physique. Et à travers cela, lorsque l'âme vient s'exprimer dans le corps physique, elle vient prendre de l'expérience à partir du corps. Et elle s'exprime, c'est-à-dire... Si l'humain ne dormirait pas dans la condition égoïque actuelle, il ne vivrait pas 15 ans. Il vieillirait à une vitesse folle. Plus l'humain vit d'émotions, plus il se tue. Chaque émotion est une lutte contre un état de choc vital opéré par le sage du vampire, l'âme. L'humain peut vivre de sentiments. Le sentiment, c'est de boire et non de forme événementielle. Le sentiment, c'est ce qui amène l'émotion. L'émotion, c'est lorsqu'on a mémorisé le sentiment et qu'on vit de la mémoire du sentiment. On vit l'émotion. On peut même revivre l'émotion. On ne peut pas revivre un sentiment. L'homme nouveau vit de sentiments. C'est au-delà de l'émotion, mais ça ne détruit pas. J'expliquais que l'homme nouveau peut pleurer, mais il ne peut pas brailler. Il y a une nuance majeure. Alors, l'être humain, ce on-off, comme il le dit, ce allumé-éteint, cet éveil-sommeil, permet à la conscience astrale de sacrer son camp dans le monde de la mort, là d'où elle provient, par processus réincarnationnel pluralitaire, et pendant ce temps-là, le corps habité par son corps vital et une partie, d'une toute petite partie du plan astral, cela permet au corps de pouvoir récupérer les énergies yin-yaniques et yan-yaniques qu'il a besoin, c'est ce qu'on appelle le sommeil. Lorsque le rêve se met en fonction, c'est parce que l'astral vient simplement obliger la partie instinctive vitale à se remettre en fonction, c'est-à-dire qu'elle oblige le corps physique à devoir bouger pour que le retour veineux se fasse mieux. Parce que le cœur pompe le sang dans les artères, mais dans les veines, le cœur n'a plus assez de puissance pour amener le sang au cœur. Et c'est la motricité musculaire qui ramène le sang. Alors, de temps en temps, le système biologique de l'homme se remet en éveil et cela réattire la conscience astrale et pendant ce laps de temps, la conscience astrale vient donner chimiquement la mémoire de son voyage, c'est ce qu'on appelle le rêve conscient. Plus cela va être imprimé dans la bonne place cérébrale, plus l'humain s'en rappellera son réveil. Alors, cette partie du sommeil, elle sert à cela. D'ailleurs, la mortalité est cela aussi. L'âme devient tellement puissante au niveau de l'ego que finalement, parce que l'âme, ça n'évolue pas de l'âme, hein? L'âme, ça n'évolue pas. Ce n'est pas l'âme qui évolue chez l'homme. C'est le corps physique et sa conscience, sa possibilité d'exprimer de la conscience intelligente. Pourquoi depuis des millions d'années, ça, l'humanité n'a pas tellement changé, sauf dans la conscience, dans l'utopie philosophique ou dans l'intelligentiation des événements. Pas au niveau d'émotion. L'homme a les mêmes problèmes que dans l'Antiquité, parce que l'âme, ça accumule de l'expérience. Lorsque l'ego est tellement bourru d'expérience, lorsque l'âme résiste à un point tel à l'esprit, à l'intelligence, que finalement tout le passé est bon, ben il vient un temps où on doit démolir cette mémoire. Le corps meurt. La mémoire est démolie. Elle va dans le monde de la mort. Elle passe par des phases purgatorielles. J'en ai déjà suffisamment parlé. Et la personne revient. Ce sommeil éveille encore une fois parce que la personne ne meurt pas dans la réalité des choses. Ce qui constitue l'humain ne disparaît pas. C'est la forme constituée qui va changer. Alors, encore une fois, c'est pour obliger l'ego à ne pas devenir trop puissant et à démolir complètement la probabilité d'évolution du corps physique. Quand je visionne, je vois beaucoup d'eau de mer. Parfait. Des chutes, des lacs, des rivières. J'essaie de voir une maison, un contrat, le facteur déposant le chèque dans la boîte à mal. Comment puis-je réussir à voir ce que je demande? Pourquoi tant d'eau dans les visions? Pour l'instant, continue à boire de l'eau. Et la personne, tout ce qu'elle a à faire, c'est une question relativement personnelle, donc avec une réponse relativement personnelle, tout ce qu'elle a à faire, c'est de cheminer sur son eau. L'eau. Des fois, je regarde mes pensées. Donc, il y a l'observateur qui regarde quelque chose chez lui. Ce que je pense sur moi, elle ne le pense pas, elle l'observe. Elle observe ce qui se pense d'elle. Ma façon d'agir ou de réagir à certains événements, c'est mémoriel. À certaines personnes ou certaines personnes que je trouve bizarres. Et je me trouve bizarre. Pourquoi? La personne se trouve bizarre parce qu'elle a l'impression que tout le monde ne fait pas ça. Première chose. Deuxièmement, de savoir pourquoi elle se trouve bizarre, ce n'est pas important. Tout ce qu'elle a à faire, c'est de continuer. Elle peut jouer un jeu intéressant, cette personne-là, que d'autres peuvent jouer aussi. Tout ce qu'elle a à faire, c'est de continuer à s'observer. Regardez bien qu'est-ce que ça donne. Ça devient fou, mais c'est intéressant. Bon, là, je pense. Si je dis que je pense, c'est que je vois que je pense. Si je dis que je vois que je pense, c'est que je vois que je vois que je pense. Puis là, je viens de voir, puis encore, que je voyais, que je voyais, que je voyais, que je voyais, que je pensais. Puis là, je le sais. Donc, je l'ai vu encore. Fait que finalement, c'est comme si j'avais, je pense, hop, je viens de découvrir que j'étais supérieur à ma pensée, je vois que je pense. Je viens de m'observer de plus haut encore. Ah ben là, si je me vois, je suis, ben voilà, c'est ça. L'humain est extraordinairement loin de son corps, tout en étant extraordinairement près de son corps. La personne n'est là qu'à continuer à jouer le jeu de la pensée. Mais quand l'humain dit « je pense », c'est qu'il vient de voir que tu pensais. Donc, il y a quelque chose d'autre qu'il voit. Puis quand tu dis « je vois que je pense », c'est encore sur un troisième niveau. Et c'est intéressant de continuer à monter comme ça parce que finalement, lorsqu'on arrive à grimper, on arrive à une sorte de finalité temporaire qui nous permet d'avoir une conscience tellement étendue de toute notre condition qu'on part à rire, de voir comment tout ça est merdeux. Et comment, à travers le mensonge cosmique, c'est-à-dire l'archétype, l'illusion première qui a été donnée à l'humain pour que l'humain accepte sa condition ici, on va y revenir si je n'élabore pas trop sur d'autres questions, tout cela est donné à l'homme pour que l'humain accepte sa condition d'imbécile. L'humain, c'est de l'intelligence. L'intelligence placée à de devoir cueillir des fleurs, d'autres parties d'intelligence. Puis il est bouffé parce qu'il n'est pas capable d'entrer en union avec, parce qu'il est trop refroidi, trop terrestrifié. Mais il n'y a pas que l'intelligence qui accepte ça. L'humain est placé et l'humain doit oublier. Et à travers cet oubli, l'humain se fait charrier par son corps physique. Il engendre des enfants parce que la première et la principale fonction de l'être, humain, là, c'est la reproduction. Préserver la vie, en réalité, préserver le facteur génétique, en réalité, continuer à faire en sorte que les corps physiques évoluent jusqu'au jour où l'intelligence pourra venir atterrir dedans. Et ça, c'est tout proche. Quelqu'un qui a fini de créer son double éthérique, est-ce que son corps est immortel? Ça dépend de la personne, c'est un choix qu'elle pourra prendre. Mais la mort n'existe plus, le corps non plus. Que doit-on faire quand, avec ses proches, on se sent bien et avec un ou plusieurs inconnus, on a besoin de l'alcool pour se sentir bien et s'exprimer avec aisance? Très bonne question. Brimer les complexes. Se libérer par la drogue ou l'alcool ou par d'autres choses. Si avec ses proches, on se sent bien et pour se sentir bien avec les autres, on a besoin d'alcool, c'est que premièrement, on doit décoder qu'on a le besoin de se sentir bien. Et ça peut être un problème. Lorsque la personne rencontre quelqu'un, elle ne doit pas s'arranger pour se laisser manipuler par la mémoire de ce qu'elle a vécu avec ses proches et pour vouloir le reproduire. Et une chose certaine, c'est que dans le premier état, la personne elle a un phénomène initiatique intéressant, qu'elle s'arrange pour ne pas boire. Elle se sentira mal, qu'elle expérimente ce mal. En empêchant une chose qui nous habite d'apparaître, on l'ignore. En la laissant apparaître, on peut mentalement, si on reste attentif, se rapprocher d'elle, cheminer avec elle et la détruire. Alors la personne doit se rendre compte qu'elle est mal, elle doit trouver ça stupide, puis elle doit décider qu'elle ne boit pas. Et elle doit lentement approcher la main de l'épaule de l'autre, puis lui toucher. Petit à petit, qu'elle ne l'embrasse pas comme quand elle est vraiment morte. Mais petit à petit, qu'elle fait, qu'elle essaie, qu'elle s'oblige à faire des choses que le complexe, que les blocages viennent l'empêcher. L'évolution, vous pouvez vous la structurer d'une façon complète. Imaginez-vous qu'à chaque jour, une petite chose qui vous bloque, vous la faites. Juste boire avec la main gauche le matin. Chaque jour, une petite chose. Ça ne vous changera pas beaucoup. Après 2 ans, vous allez être libre, comme un oiseau. Libre comme le vent, libre. Une petite brique, plus une petite brique, plus une petite brique, bâtit la place du mari. Alors, on a un problème, un petit blocage, un petit quoi que ce soit. Allons-y, morceau à morceau, et faisons-le. La personne, qu'elle ne boive pas tout de suite, elle boira après. Bon. Une personne très libérée et très peu manipulable devrait être aussi consciente et écologique, car elle demeure contrôlable par autrui. Car elle devient contrôlable par autrui. Je ne veux pas vivre dans une société où les individus sont non manipulables, sans complexe et inconscients. Ça fait partie de l'humain insécure. Vivre avec des êtres qui ne sont pas manipulables veut nécessairement dire que nous devrons nous prendre en main. Et c'est un problème, mais qui est essentiel. Moi, en tant qu'homme, je ne veux pas vivre avec une femme libérée. Si elle est libérée, il faut que je lave mon linge, il faut que je me fasse la bouffe, il faut que je passe le respirateur. Je ne suis pas intéressé. Moi, je vis avec une femme qui n'est pas libérée. Une femme qui se couche avec son balai. Une femme normale. Une femme qui passe l'aspirateur même quand c'est pas sale. Une femme qui lave même les chemises qui est dans le garde-robe. une femme que je peux battre. Puis qui, en réponse à ça, dit « Je t'aime, Minou. » Mais c'est bien évident que de me ramasser dans un monde où je dis à quelqu'un « Hey, il a crotté! » Puis l'autre, ça ne retourne même pas parce que lui, il sent qu'il n'est pas crotté, donc il pense pas que je parle à lui. C'est peur, hein? Être dans une société où je vais dire au garagiste « Tu pourrais bien l'arriver vite? » Là, il est là. Là, je donne pas de titre, puis je m'en vais. Puis c'est plaisant. Être dans une société où on peut chialer, se plaindre, manipuler autrui. Dans une société où on peut dire à un enfant « Ferme ta gueule! » Puis l'enfant, il fait. Pas une société où on a un enfant nouveau. Ou ce qu'il a appris en très bas âge, l'autodéfense. Ça, c'est pas plaisant. Mais pourquoi? Parce que si je vis dans un monde comme ça, je vais être obligé de me prendre en main. Je suis couché dans mon lit, je dis « Café ». La bonne femme m'a dit « Vas-y ». Ou je boirai plus de café. Ou je vais apprendre à me le faire. On doit bâtir une civilisation planétaire avec des êtres humains totalement autonomes. Ils ne seront pas, s'ils sont intelligents, et ils ne pourront pas être autonomes s'ils ne sont pas intelligents, ils ne seront pas anti-écologiques. Si je suis blessé, si je suis dans un fossé, ils vont arrêter pour m'aider. Pas pour 15 piastres. Simplement parce que je suis con d'être dans un fossé avec un véhicule. C'est rien que pour ça. C'est suffisant. Dans la conscience d'un homme nouveau, d'une femme nouvelle, d'un enfant nouveau, c'est suffisant. C'est écologique. C'est logique. Je ne tiens pas la porte à quelqu'un qui veut rentrer avec ses paquets parce que je me sens manipulé. C'est parce que ça prend plus d'énergie biologique à la personne pour l'ouvrir que moi pour la retenir. Je sauve l'énergie. Mais évidemment, l'humain a peur que l'homme soit libre. Quelle est la plus grande peur du prêtre, des religions, des dieux ou des maîtres? C'est que les fidèles n'aient plus besoin d'eux autres. C'est pourquoi toutes les religions émotives interdisent aux pratiquants à se passer belle. Et on engendre la culpabilité infernale, la culpabilité non réincarnationnelle, la gauche du père. Vous descendez à droite. Une personne très libérée et très manipulable devrait être aussi consciente et écologique, ça va de soi. Car elle devient incontrôlable? Non. Parce que la personne qui est libre, il faut faire attention, la personne qui est libre et qui se fout de tout, elle n'est pas libre. Elle n'est pas libre. Elle aura un besoin de se foutre. Elle a un complexe de supériorité qu'elle doit préserver en prouvant que rien n'est là. La personne qui devient libre et nécessairement écologique. Qu'est-ce que c'est qu'être écologique? Cela veut dire s'adapter temporairement. C'est-à-dire, à l'insu de tous, adapter tous. Mais s'adapter temporairement. Ne pas avoir de complexe et être capable d'aller éternuer ou se moucher avec son veston en pleine table, c'est intéressant. Si tu laves ton veston. Parce que je peux comprendre celui qui va laver de chialer. Mais si je suis dans une réunion de la Chambre de commerce de Montréal et que... Il y a des chances que je passe mal. Ouais, c'est une gang de débiles. Peut-être, mais c'est eux autres qui me font vivre. Alors j'ai mon petit mouchoir dans ma petite poche. Je sors le petit mouchoir, je me retourne, je m'excuse. Je me mouche, je m'excuse. Je le place pour que les choses paraissent pas. Je le remets dans le petit poche. Puis quand je m'en vais, je suis resté libre. J'étais simplement ajusté. L'humain n'est jamais débile. Il est ce qu'il est. Et il est pogné. Et tout ce qu'il a de pognage, vous ne l'avez peut-être pas. Tant mieux. Une chance est là. Quelles sont les conditions qui font que le corps vital s'éloigne du corps physique? Le corps vital s'éloigne du corps physique lorsqu'il y a un déphasement entre la conscience vitale et la conscience physique. Ce déphasement peut apparaître par manipulation, c'est-à-dire lorsqu'un individu aime trop quelqu'un d'autre, veut carrément se donner à l'autre, il propulse une grande partie de son énergie et nécessairement il s'épuise. Cela fait partie des dangers d'être trop bon. Lorsque l'individu n'est pas capable de trancher, lorsque l'individu n'est pas capable de conserver son énergie, cela veut dire que lorsqu'une personne peut le têter sans problème, par téléphone, par voix, par contact, etc. Je peux me faire manipuler biologiquement par quelqu'un chez qui je peux aller me nourrir. Qu'elle se nourrisse, c'est parfait. Lorsqu'il y a toujours une personne avec qui je ne veux pas faire affaire, qui vient têter mon énergie, je la perds. Il y a aussi une résonance physique. Le corps physique est un corps animé, il est vivant. Sa structure vitale, elle est minérale. Ensuite, elle est végétale. Ensuite, elle est animale. Et finalement, elle est hominale. Lorsque la structure hominale et animale a une tendance à être têtée par l'âme, par la psychologie, par l'ego, il peut y arriver que la structure physique vibre mal à cela et elle ne retient plus l'animation. Donc, la personne guérira lentement de maladie, vieillira plus vite, sera fatiguée, et elle manquera de motricité, c'est-à-dire qu'elle n'aura plus la facilité à s'animer en tant qu'animal. Elle végétera, elle deviendra végétale. Elle pourra bouger, mais elle sera paresseuse, et lentement, elle deviendra ce qu'on appelle un légume. Bien, ça, c'est dans la phase très avancée, et lorsqu'elle meurt, elle devient minérale. Alors, l'humain doit s'arranger pour avoir une conscience émotive qui lui permet d'aimer suffisamment son corps physique, la vie, et une conscience mentale qui lui permet de cesser de faire le culte de ses limitations physiques. En plus, elle devra manger des choses vivantes, suffisamment vivantes, pour rehausser son plan vital, et il n'y aura plus de problème, son corps vital ne s'éloignera plus de son corps physique. De temps en temps, lorsque la conscience supramentale essaie de transcender par le biais de l'ajusteur de pensée la conscience mémorielle, mentalo-astrale de l'homme, il peut arriver que le plan vital au complet, le double qui contient l'âme, soit expulsé temporairement du corps physique, ce qui donne à la personne qui vit la conscience d'un voyage astral pendant son éveil. Alors, elle pourrait être assise à la chaise ici et elle aurait l'impression d'être là au niveau de son visuel ou d'être sur la table ou d'être ailleurs. Elle aura à lutter pour essayer de revenir dans ses yeux. Il y a une mutation supramentale qui est présentement en train de faire un coup de cochon à l'ego, à l'âme. Et c'est une chose qui peut arriver. Quoi faire pour l'empêcher? S'arranger pour revenir. Si on ne peut pas, on va revenir pareil, plus tard. J'aimerais que vous expliquiez la nuance entre le complexe et la politesse, atchoum, à laquelle votre vie ou notre vie en société nous oblige presque. Car si chacun faisait ce qui lui plaît, sans se soucier des autres, ça deviendrait invivable pour la communauté. Et c'est écrit « Merci, c'est l'usage ». La politesse est le protocole de la destruction de la conscience de l'homme. La politesse est un protocole de relation qui nécessite d'être totalement faux envers soi-même et envers autrui pour s'ajuster à un schéma collectif qui va servir de médium de communication. Lorsque l'être humain a inventé la politesse, les prémices de la politesse étaient de se cacher. Les Japonais sont de grands polis parce que de grands hypocrites. C'était nécessaire. Le pays, l'île, certaines îles, étaient tellement balayées par les tremblements de terre que les maisons devaient être construites en papier et avec des murs de papier. Alors nécessairement, tout ce qui se passait dans une pièce, l'autre l'entendait. Et l'autre devait vivre comme s'il ne l'avait jamais entendu. Politesse. Les rois, c'est la même chose. Lentement, de plus en plus, certaines choses que le roi vivait ou que la haute classe vivait, il ne fallait faire comme si on n'avait pas ça. On était des élites et des demi-dieux. Lorsque le demi-dieu devient fou, il bat sa femme devant son chum parce qu'il était trop animal pour s'empêcher de le faire, eh bien son chum n'a rien vu. C'est la politesse. Et lentement, l'être humain s'est arrangé pour vivre d'une structure sociale qui le sécurisait. C'est la politesse. Bonjour, comment vas-tu? Ah, il s'occupe de moi. Il s'intéresse à ma santé. Ah, je suis en très bonne main. Ça va bien, merci de t'intéresser à moi. Et toi, il faut que je remette la même chose. Même si on se fout royalement l'un de l'autre de ce qui se passe, c'est pas une politesse. Comment aimes-tu mon veston? Dans ta tête, excellent. Et tu dis, et qu'il est beau, il te va ravir. Où as-tu acheté ça? Quel tissu! C'est la politesse. Alors, on demande à l'enfant et on lui dit que ne compte pas de menterie, mais sois poli. C'est impossible. Ça ne va plus. Alors, lentement, l'enfant devient menteur et poli. Et on le chicane lorsqu'il est impoli, il dit la vérité, et on le chicane lorsqu'il est poli parce qu'il compte des menteries. La politesse est un phénomène intéressant. Celui qui ne vit pas avec moi, je suis un être qui n'est pas poli, mais absolument pas poli. Je ne suis pas par le fait même un être impoli, parce que l'impoli est celui qui connaît la politesse et qui joue à l'envers du jeu. Il y a celui qui peut s'ajuster, être écologique. Lorsque les gens ont besoin de merci, je leur dis merci. Lorsque les gens ont besoin d'apprendre, je ne leur dis pas. Je vais voir des spectacles, tout le monde applaudit, tout le monde se lève debout, tout le monde en bave. Moi, j'ai aimé le spectacle. Et je n'ai pas besoin, je ne suis pas venu pour plaire aux gars. Je n'ai donc pas besoin de faire cela. Si je vais voir le gars parce que le gars en a besoin ou la fille en a besoin, je peux la remercier, je peux la féliciter, je peux faire des choses. Mais c'est de l'écologie. La politesse, c'est une structure qui est imposée à l'homme par l'homme. La politesse devrait être comme n'importe quelle loi, quelque chose qui permet à l'homme ignorant de vivre une condition d'apparence et qui doit nécessairement ne plus être appliquée à celui qui est conscient. Le policier qui me dit « Bon, ben, je ne vous donne pas de contravention, mais faites attention », je lui dis « Merci ». Parce que je programme son ego à recevoir de l'énergie, ce qui est intelligent et logique, lorsqu'il a la faculté de raisonner la loi. S'il me dit « Pas besoin de merci, mais faites attention », il y aura une complicité entre nous deux, c'est tout. C'est beaucoup plus que la politesse. Alors, on doit être poli lorsque c'est nécessaire d'être poli, c'est-à-dire que lorsqu'on apprend à gérer sa politesse, lorsqu'on sort d'ici, on commence à penser que le monde nous appartient. La politesse, elle est là pour tempérer l'humain. Elle est là pour empêcher l'humain de voir clair. Alors, il y a des façons d'être diplomate. Donc, hypocrite, c'est de la politesse. Mais on doit être ajusté. Chaque fois que vous avez quelque chose à dire à une cruche qui ne comprend pas, remarquez que quand vous lui dites, vous n'êtes pas poli. Parce qu'avec la politesse, ça ne passe pas. La vérité, la réalité ne passe pas avec la politesse. Elle passe de temps en temps lorsqu'on manipule autrui. Mais lorsqu'on ne veut pas manipuler quelqu'un, non. Monsieur, madame, oh, vous avez de jolies dents. Il faut que je dise qu'il y en a une de quartier. Mais nécessairement, malgré qu'on peut faire attention d'une façon exemplaire, parce que j'imagine que vous faites attention à votre paramètre buccal d'une façon absolument merveilleuse, que vous appuyez sur le petit tube régulièrement et que vous brassez les choses d'une façon éloquente dans votre bouche, entre votre lèvre, vos gencives et vos dents. Bon, vous faites l'arrière, ou je suis convaincu que vous êtes une personne qui aimait rentrer par en arrière de temps en temps. En arrière des dents, bon. Mais évidemment, malgré tout cela, les produits ne sont pas encore assez bons, et puis il y a certains produits qui créent des caries, puis là, je dois vous annoncer qu'il y a une tache là. Bon, c'est de la politesse, n'est-ce pas? L'énergie qui prend le pauvre type pour que toi, tu sois tout émerveillé de ce dentiste. Moi, personnellement, je vais lui dire, hey, le cave, coup de main. Je l'ai vu, moi, tout. Correct? Bon. Ferme ta gueule, travaille. Mais être poli, avec un gars aussi poli. À remarquer, celui qui vit de l'ajustement ne souffre jamais de l'impolitesse des autres. Quand un enfant vient me dire que je suis un emmerdeur, je comprends. C'est un emmerdeur. S'il le dit, c'est parce qu'il a raison. Et pour lui, il le vit comme ça. C'est pas nécessaire que c'est poli. S'il est poli, Daniel, de temps en temps, là, de temps en temps, on aimerait ça être seul. Ah oui, ah ben, je comprends ça, oui, bon. Je reste là. Alors, s'il m'apporte, me comprendre. C'est beaucoup plus simple. La politesse, elle est inventée parce que l'humain se refuse de voir les choses. Alors, je répète, on s'ajuste, on peut être poli. C'est évident, j'aimerais que vous expliquiez la nuance entre le complexe de la politesse et la politesse à tchoum, à laquelle notre vie de société nous oblige presque. Pas presque, ajustons la parole, OK? Nous oblige. Mais à travers cela, je ne suis pas obligé, moi, d'être l'obligé perpétuel de tout le monde. Je passe à la caisse, j'amène mes cossins, j'échappe une affaire à terre, je le ramasse, ça finit là. La bonne femme m'en échappe un, si je suis à côté d'elle, si elle est trop grosse, je suis plus svelte, c'est économique en énergie que c'est moi qui le ramasse, je ramasse. Elle me dit merci, franchement. J'ai déjà ramassé une personne qui avait été frappée par un bétique, elle avait le nez cassé. Je la mets dans mon automobile, je la mets à l'hôpital. Puis en sortant d'automobile, elle va me donner 15$. Quelle hostie de société de fou! Au nom de la politesse. Alors j'étais poli. Je me demandais un jour, si vous voyez quelqu'un qui quête, donnez-y donc 15$. Et que c'est spirituellement beau, n'est-ce pas? A été emballé. Elle rentre à l'hôpital avec son sang et son 15$. Tout ça pour expliquer de la logique, de l'intelligence. J'ai du temps à perdre ou pas, ça ne change rien. J'ai une automobile, elle est perdue, je connais tous les hôpitaux, il y en a un à côté. Ben maudit, embarquez donc là, c'est l'hiver, allez vous conduire. Pourquoi merci? comprends toute cette panoplie d'idioties. Alors, c'est bien évident que si moi, je me fais conduire, moi, il dit merci. Je le connais pas. Il a peut-être besoin. Il vit de ça. C'est un échange. J'ai bien fait, mais je peux pas savoir que j'ai bien fait si les autres me le disent pas. Alors, dites-moi-les que j'ai bien fait. Dites-moi merci. Oh, j'ai fait ça pour rien. Mais il y a un peu de poli. Quand t'as fait ça pour rien, il n'y a pas de politesse. Donner un cadeau à un enfant, si le cadeau lui plaît, il va disparaître, je ne reverrai pas. Si vous voulez, tu peux au moins nous dire merci. Mais moi, je serais un enfant nouveau, tiens ton cadeau. Merci. C'est le merci que tu voulais, ben non, que moi, je suis content. Si je suis content, je suis content, laisse-moi m'en aller. Alors, si chacun faisait ce qui lui plaît, sans se soucier des autres, ça deviendrait invivable pour la communauté. Très important, et la personne a raison d'amener la question, sauf qu'on n'a pas besoin d'être poli, on n'a rien qu'à être ajusté. Une nuance majeure. Parce qu'une personne comprend c'est quoi l'ajustement, il est poli à travers même les impolis. Lorsqu'une personne comprend l'intelligence d'un système écologique, système communautaire ou social, il s'arrange pour que ça fonctionne. Il y a un protocole de communication parce qu'on vit avec des humains qui ne sont pas encore suffisamment réveillés pour comprendre que le protocole, il est là parce que justement, c'est intelligent qu'il y soit. Sauf que lorsqu'on devient intelligent, on ne marche plus que le protocole. Moi, j'arrête pas au feu rouge parce que c'est la loi. J'arrête au feu rouge pour laisser passer les autres. Pas parce que c'est la loi. La politesse, c'est la même chose. Lorsque je travaille de temps en temps avec des hommes d'affaires, puis là, c'est absolument écœurant comment ils sont polis. Bon, OK, bon, alors c'est très beau ce que tu viens d'amener là. Bon, excuse-moi si je t'amène un autre point. Là. Je ne veux pas paraître insinuateur, puis je ne veux pas non plus déformer tout ce que vous faites. T'es là, le tabarnouche, je t'amène-les ton point. Là, bon. Alors, la dernière fois, j'ai vu une chose, là, c'est pas parce que je suis mieux que les autres. Oh, citronnelle, tu finis de te trouver trop de cul! Bon, cesse de t'excuser de te mettre à plat ventre, ben là, on va t'en dessous de la table, puis parler, on va au moins faire des grimaces en haut sans que tu nous voyes faire. C'est trop souvent comme ça. Alors, on s'ajuste en fonction. Bien, des fois, je parle à des personnes qui font le séminaire avec moi, puis je suis obligé de leur dire, hey, wow, c'est à moi qui parle, OK? Le sable, puis les fleurs, les guirlandes, c'est à moi que tu parles, c'est à toi. Quand on veut faire une relation entre deux mentales, entre deux humains, pourquoi il faut nécessairement qu'on mette les vêtements? Il y a une belle tradition japonaise ou hollandaise qui fait que quand les hommes d'affaires se rencontrent, ils passent toujours une demi-heure à parler du beau temps. Après ça, ils arrivent au sujet. Franchement, ça ne sert à rien, c'est une perte de temps. Oh oui, mais c'est les bonnes choses de la vie, parce qu'on était programmé comme ça. Mais quand tu auras une 15 minutes, là, puis l'autre va commencer à te parler de ses jardins, de ses bégonias, puis toi, c'est l'augmentation de salaire, puis tu parles de son chat. La politesse, la preuve que ce n'est pas fonctionnel, c'est que chaque fois qu'on doit arriver à un but, on doit passer au travers. La politesse de l'homme nouveau, c'est de l'ajustement. Ajustez-vous. Vous rencontrez quelqu'un qui a besoin d'un merci, vous lui dites merci. Vous rencontrez quelqu'un qui a l'air solide, ne lui dites pas. Vous l'instruisez à se prendre en main. C'est bien plus intelligent de faire les choses par intelligence. Tu vois une plante qui meurt de soif, tu l'arroses. C'est évident, c'est logique. Vous voyez une personne qui a des problèmes. Alors, la musique, c'est pas non ici, là. Comment peut-on définir le complexe d'évolution? Merveilleux. Le complexe d'évolution est défini par rapport à ceux qui n'évoluent, apparemment n'évoluent pas. C'est le snobisme de l'évolution. Plus on en a dans notre caboche, plus on arrive à avoir une gueule ou à expliquer des choses ou à penser que les autres ne savent pas. C'est le complexe de l'évolution. Et il y a évidemment l'individu qui pense ne pas pouvoir monter. Ça fait encore partie du même phénomène. Il se compare à autrui, on en revient encore au complexe. Je sens le besoin où je me sens prêt à faire une colère mentale, mais j'ai peur que car je n'ai pas pu suivre le séminaire à cause d'un manque d'argent. J'ai une famille, dois-je attendre? Ça serait préférable d'attendre encore un peu. La personne, elle pose la question parce qu'elle a peur, donc elle a peur. Ça n'a rien à voir avec le séminaire. Combien il y a de catalyseurs d'énergie, les nommés? Oui. Lorsque j'ai fait le kiaï mental, je m'aide en me faisant supporter par le groupe de la colère mentale. Pour le moment, est-ce qu'il y a un inconvénient à ça? Absolument pas. Quelle est la fonction d'un chérubin? Le chérubin fait partie de l'interpréteur actionnel chez l'homme. C'est la partie subatomique qui permet la traduction d'un contact astral de l'âme, de la psychologie, donc de la pensée, interprétée subatomiquement pour engendrer des dépolarisations neuroniques, ce qui amène le travail neuronique, cérébral, et qui permet d'interpréter la pensée dans une gestuelle. J'ai soif, je bois. L'interpréteur actionnel contracte toutes les muscles, les bons muscles, en ligne ce que j'ai besoin. Le chérubin, c'est cela. Il y en a des yin et des yang, on pourra y revenir à un moment donné. On fait attention à soi, on essaie, si on ne peut pas faire autrement, de ne pas trop se complexer. Il ne faut pas être complexé d'avoir des complexes. Hein, remplirez pas les choses. On se revoit quand on se revoit.